and the City sur Fadjet. La musique de toutes les cultures. Présentée par Jérôme. Une fois n'est pas coutume, je vous souhaite une excellente soirée sur Fadjet pour bien démarrer justement en musique avec l'émission qui sait vous faire danser, le Music and the City. C'est une joie de vous retrouver pour découvrir ou redécouvrir des artistes de tout horizon. Et ce soir, j'ai fait appel à deux grands noms avec des titres que vous connaissez tous ou que vous êtes en passe de connaître. Et on démarre sans plus attendre avec une reprise du tube Téléphone de Lady Gaga. Si la version originale était un duo avec Beyoncé, c'est une autre battle ce soir entre la chanteuse Charisse, qu'on a découvert la semaine dernière, et Léa Mitchell. Une nouvelle version donc à découvrir sans plus attendre sur Fadjet, d'autant plus qu'on va tranquillement passer à table et que cette chanson va donc faire un peu office d'hors-d'œuvre. Bonne écoute à vous et on se retrouve dans quelques instants. Évadez-vous sur Fadjet dans Music and the City. C'est C'est un retour surprise et inattendu pour Justin Timberlake. Le jeune papa ne s'est pas contenté que de pouponner ces derniers mois, il en a aussi profité pour préparer un retour musical. Un album à paraître en mars prochain qui renfermera ses prochains tubes parmi une tracklist de 16 chansons. Et pour promouvoir ce futur album, quelques teasers ont été diffusés sur les réseaux sociaux. À commencer par la pochette du disque et son titre, Man of the Wood. Alors, doit-on s'attendre à découvrir notre Justin en Davy Crockett ? Pas dans son dernier clip en tout cas. Là, il a opté pour un clip futuriste où un robot danse en parfaite autonomie, là où Justin, lui, n'est qu'un hologramme. Ça, on le découvre qu'à la fin. Je spoil, mais bon, regardez-le. Ingénieux, excellent même, pour ce premier titre intitulé « Filthy ». Une sonorité également futuriste qui rappelle un certain groupe que l'on redécouvrira juste après. Mais avant ça, appelons le Timberlake nouveau. Let's go. missing. Can you find me? Look closer. Through the trees. Les artistes oubliés reviennent dans Music and the City. Alors, comment vous le trouvez ce nouveau Justin ? Décoiné, dégraissé ? C'est pas vraiment ce que je vous demande, non. Je sous-entendais musicalement, parce que c'est tout de même très proche de nos copains les Black Eyed Peas. Le groupe de Will.i.am, qui a cartonné pendant toute la première décennie des années 2000, est aujourd'hui passé à l'état de légende et sous tous les angles. Parce que depuis le départ de Fergie, la petite touche féminine du groupe, nous n'avons eu droit qu'à quelques tentatives foireuses de retour. Pourtant, les légendes ne meurent jamais, on le dit, même si les effets de mode, eux, passent. Alors remontons en 2009 pour l'exploitation de l'album The End. Les quatre compères proposaient alors le titre Rock That Body. Et un clip avec des robots. Ah, bah quand je vous disais que le nouveau Justin ressemblait beaucoup et en tout point aux Black Eyed Peas. Parce que sur ce titre-là, même les voix ont été retouchées pour donner l'impression de laisser la parole à une machine. Alors rien que d'y repenser, je me revois 10 ans en arrière avec un sourire aux lèvres. Allez, c'est cadeau, souvenez-vous. Rock your body. 19h30, 20h, Music and the City sur Fadjet. Votre côté coquin, car nous allons nous pencher sur une artiste qui aime jouer de ses charmes dans sa musique et dans ses clips vidéo. Prenez une jolie fille, attribuez-lui une voix puissante et unique, rajoutez un talent comme on n'en fait plus, et vous obtiendrez un parfait spécimen de Christina Aguilera. Celle qui a toujours été considérée comme la rivale de Britney Spears n'a rien à lui envier quand on entend ses plus grands tubes ou ses moins connus. Ce qui est le cas de Not Myself Tonight, extrait de l'album Bionic, sorti en 2010. Les plus fervents de ses admirateurs vont hurler. Les puritains, eux, vont découvrir. Et du Christina Aguilera, ça s'écoute avec le volume au maximum. Allez, hop hop hop. Is this me? You wanna get crazy? 'Cause I don't give a... I'm out of character, I'm in rare form. And if you really know me, you know it's not the norm. 'Cause I'm doing things that I normally don't. Music and the City. Évadez-vous vers d'autres horizons musicaux sur Fadjet avec Jérôme. La France vient de perdre sa France. Son départ précipité a plongé le pays dans un deuil incommensurable et il était de mon devoir de lui rendre un brillant hommage ce soir. France Gall, née Isabelle Gall, nous a quittés le 8 janvier dernier après un combat contre la maladie. Rappelons-le, elle avait débuté une carrière en 1963 avec le titre « Ne sois pas si bête » alors qu'elle était encore mineure. Elle fut aussi connue et reconnue pour être la compagne à la scène comme à la vie du regretté Michel Berger. Et enfin, son plus grand tube arrive après 20 ans de carrière avec « Ella Ella » en 1987. Mais c'est là l'un de ses succès parmi des dizaines. Une grande dame nous a donc quittés. Nous nous souviendrons toujours de vous, Isabelle. Merci pour tout. Et tout de suite, c'est votre moment, avec une version longue et remasterisée de Laisse tomber les filles sur Fadjet. Music in the City sur Fadjet. L'émission se termine dans la joie et la bonne humeur avec France Gall, que l'on embrasse si elle nous regarde. Je vous rappelle que vous pouvez me rejoindre sur le Facebook de l'émission, bien évidemment, Fadjet-Music and the City, et vous avez aussi la possibilité d'écouter le podcast chaque semaine sur ce même Facebook via la plateforme Mixcloud, mais aussi la rediffusion le samedi de l'émission à 18h30. Sur ce, moi je vous souhaite une excellente soirée, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, et je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres aventures. Ciao, ciao.